vallée de l'ordure. Une poignée d'enculés nous mène la vie dure. Et tu craches comme je pleure sur nos frères immigrés. Qu'importe la misère pour Sarkozy premier. Ouais. Des chrétiennes, des ministres fascistes. Moralité de chienne sur laquelle je pisse. Dans tes prisons de la mort, on flingue la misère. Mentalité de porc, sarco des pissotières. Ouais! S'occupe des sans-papiers. Demain, c'est la police qui viendra te chercher.